Bonjour à tous et bienvenue à FrenchPod. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon Upper Intermediate. Je m'appelle Amaury. Et moi, je m'appelle Jean-Patrick, JP. Alors, en exclusivité, nous avons la version française du fameux JP. Oui. Jean-Patrick. Oui, oui, ça c'est mon nom. Excellent. Comment tu vas, Jean-Patrick? Tout va bien, merci. Et toi? Ça va bien, ça me fait un peu bizarre de t'appeler Jean-Patrick. Mais c'est ça, en français, c'est ça. C'est bien ça, tout à fait. Ouais. Alors, pour cette leçon d'aujourd'hui, on se retrouve autour d'une table de poker. Poker. Les Français jouent au poker? Eh bien, de plus en plus. Ah oui. Je dirais qu'il y a 10, 20 ans, on ne rencontrait pas tellement de gens qui y jouaient. Mais depuis les 5 dernières années, c'est la folie poker en France. C'est pourquoi nous avons cette leçon aujourd'hui. Aha. Alors aussi, une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas un ou deux personnages, mais 5 personnages. 5. Alors, attention à tous, faut s'accrocher. Mais c'est pas grave, après le dialogue, on vous expliquera tout ça. Donc juste avant de l'écouter, on va vous donner un mot-clé. Ok, c'est quoi? Qui n'est pas vraiment un mot-clé, on a plutôt une phrase-clé. Ok. Qui est « Je me couche ». ».« Je me couche ». ».« I'm going to bed ». C'est vrai? Mais non, pas vraiment. Non? Donc c'est vrai que « Je me couche ».« I'm going to bed ». Voilà. Mais quand il s'agit de poker, ça veut dire « I fold ». Ou « J'arrête de jouer ». Ok. Allez, maintenant c'est parti, on écoute le dialogue. Ah, ça fait du bien une soirée entre mecs. J'amène les binous avant de commencer la partie. Pendant ce temps, tu distribues les cartes, Max. Ok, on joue enfermé. Je propose qu'on commence par mettre 20 euros chacun dans le pot. C'est bon pour moi. Allez, c'est à toi d'ouvrir, Dédé. Qu'est-ce que tu fais? Je me couche. À ton tour, Momo. Oh non, c'est Géraldine. Si je lui ouvre pas, elle va te tirer la tronche toute la semaine. C'est pas grave, les gars. Ignorez-la, faites comme si elle n'était pas là. Salut les mecs, j'ai apporté de la limonade et des biscuits diététiques. Qui en veut? Je passe, j'ai un jeu pourri. N'essaie pas de bluffer, Momo. On connaît ta tactique. Moi, je me couche aussi. Danny? J'ouvre les fenêtres, c'est insupportable toute cette fumée. Franchement les gars, je vais vous demander de fumer vos prochaines cigarettes dehors. L'atmosphère est irrespirable. Je peux venir jouer avec vous? Je relance de 10 euros, Momo. Je suis... Avec ton brûlant d'as, tu as raison de suivre, tu vas les plumer. C'est quoi ce clin d'œil? N'essayez pas de tricher. Mettons les cartes sur table, j'ai un full de dames, je remporte la mise. On t'a bien eu, il avait un carré d'as. Mais ce n'est pas grave, Dany. Tu connais le dicton? Malheureux au jeu, heureux en amour. Oui, mais j'espère pour toi que le contraire n'est pas vrai, sinon tu as du souci à te faire. Donc voilà, grâce à l'aide de sa petite amie, le cher Momo a réussi à gagner cette partie. Mais bon, c'est vrai qu'au début, il espérait quand même qu'elle ne vienne pas. Il ne s'attendait pas à sa présence, ouais. Puisqu'il dit « ça fait du bien une soirée entre mecs okay. ». Il est content d'être avec ses amis, donc les mecs... Les hommes, quoi. Les hommes. Ouais. Les garçons. En plus, il avait tout prévu. Il est content. Il a des binouzes. Binouze, c'est quoi? Une binouze, en fait, c'est le mot familier pour dire bière. Ah, ok. En anglais, on dit brewski. Ah, ouais. Ben voilà, brewski, binouze. Binouze. Ouais. Donc, il va les chercher et il demande à son ami Max de distribuer les cartes. Ok. Distribuer, cela veut dire to deal. Ouais. Évidemment. Alors, Max, le second joueur, il demande si on joue en fermé. Ok, enfermé. I had a hard time translating this one. Enfermé, this means the cards are down. Voilà, on okay. ne montre pas ses cartes. Ok. En anglais, on peut dire this is a closed game ou bien this is a blind game. D'accord. Ok. Donc la mise de départ, c'est 20 euros que chacun des joueurs doit mettre dans le pot. Et la mise, this is the ante. Très bien. Et donc le troisième personnage dit c'est Dédé qui va ouvrir. Donc il va jouer en premier. Malheureusement, Dédé, il n'a pas un bon jeu et il dit directement « je me couche ». Et ça, c'est la phrase clé. Oui. Donc, comme on l'a vu, il arrête directement de jouer. I'm out. I fold. Mais là, premier rebondissement, on sonne et c'est la copine, la petite copine de Momo qui arrive. Oh non! Géraldine, qui n'était pas prévue. Mais c'était une soirée entre mecs, quand même. Normalement. Mais si jamais il ne lui ouvre pas, Géraldine, elle va tirer la tronche toute la semaine. Ok, tirer la tronche, qu'est-ce que cela veut dire? Tirer la tronche, ça veut dire ne pas être contente. Ah. La tronche, c'est un autre mot pour figure. Ok. Donc on peut comprendre que tirer la tronche, comme si on la tire vers le bas, tu vois. On va faire une grimace. Ok. Donc tirer la tronche, ça veut dire ne pas être content. Ok, she's gonna pout at me. Ouais. Donc, faut quand même la laisser rentrer. Mm-hmm. Et il dit à ses amis, ce qui est quand même un peu dur, faites comme si elle n'était pas là. Oh. Alors, Géraldine, qui est toute gentille, elle arrive avec sa limonade et ses petits biscuits diététiques. À mon avis, il y a quand même peu de mecs qui mangent des biscuits diététiques. Ouais. Et surtout pas quand ils ont prévu une soirée poker avec des binouzes. Bon, la partie reprend. C'est un Momo de jouer. Et lui, il dit « je passe ». Je passe. Cela veut dire qu'il va attendre. Il ne va pas apporter plus d'argent. Il ne va pas enchérir directement. Ok. Il préfère attendre et voir ce que les autres ont comme jeu. Ok. On dit en anglais « I check ». Ok. Et il donne une raison, il dit « j'ai un jeu pourri ». Et le jeu, c'est l'ensemble de cartes qu'il a dans la main. Tout à fait. Ok. Et il a un jeu pourri. Il n'a rien dans la main. Mais quand même, il ne se couche pas. Donc, il n'a peut-être pas vraiment un jeu pourri. C'est peut-être sa tactique. Mm-hmm. Donc, Max, il a peur que ce soit une tactique. Donc, il dit « je me couche aussi ». Et il demande à Danny ce qu'il veut faire, lui. Mm-hmm. Mais bon, Géraldine est là et elle a son commentaire. Puisque pour elle, ça va pas, il y a trop de fumée, mm-hmm. ça sent pas bon. Elle leur dit franchement, les gars, l'atmosphère est irrespirable. Les gars. Ouais. Les garçons. Exactement, mm-hmm. ouais. Elle envoie un peu de déodorant. Psst, psst, psst. Et alors elle dit, est-ce que je peux venir jouer avec vous? Mais Danny, il continue. Ils sont vraiment machos, hein. Ouais, ouais. Il écoute à peine. Donc Danny continue et il dit, je relance de 10 euros. 10 euros oui. Ouf. Donc ils sont à deux, il reste Momo et Danny. Et donc Momo, malgré son jeu pourri, mm-hmm. il dit « je suis ». ».« Je suis », »,« je suis », ça c'est le verbe « être » ? Non, pas ici. Oh. C'est le verbe « suivre ». Oh, je vais suivre avec le jeu. Oui. Ok, donc dans ce cas-là, « je suis », cela veut dire « I check ». Oui. Et là, sa petite amie Géraldine refait un commentaire. Elle dit « avec ton brelandas, tu as eu raison de suivre ». Oh. Donc un brelandas, bon, normalement c'est vrai, t'as raison, on n'a pas le droit de parler. Mm-hmm. Mais bon, un brelandas, c'est donc trois cartes identiques okay. dans un jeu de cinq cartes. Ok, three of a kind, aces. Oui, oui, en plus des as. Mm-hmm. Et elle rajoute, tu vas les plumer. Plumer, il va retirer le plume, qu'est-ce que cela veut dire? Non, plumer, ici, ça a un sens différent. Elle veut dire, tu vas les ruiner, tu vas les dépouiller, tu vas prendre... tout leur argent. Ok, you're gonna fleece them. Voilà. You're gonna take them. Ouais. Un autre exemple serait quand tu vas au casino. Mm-hmm. Enfin, tu sais que je suis allé au casino okay. la veille. Tu dis, ça va, ça s'est bien passé. Et non, je dis, j'ai passé une soirée pourrie. Ok. Ça s'est mal passé. Ok. Je me suis fait plumer. Ok. We would say, I got tarred and feathered, or I got stripped. Et là, Danny, qui joue toujours, a remarqué quelque chose. Et il leur dit, c'est quoi ce clin d'œil? Clin d'œil. What is that winking? Ouais. N'essayez pas de tricher. Ok, tricher, c'est jouer pas honnêtement. Exactement, mmh. ouais. Quand on ne respecte pas les règles. Mmh. Et donc, il veut savoir ce qui se passe. Et il dit, mettons les cartes sur table. Il dit, j'ai un full de dames, je remporte la mise. Un full de dames. So this is a full house, queens. So a queen's full. Oui. Je remporte la mise. All right, so I'll take the pot. Exactement. Mais là, on se rend compte que Géraldine avait menti, puisqu'en fait, Momo avait un carré d'as. Oh. Donc, qui est plus haut que le full de dames. Mm-hmm. Et elle essaye de réconforter Danny, qui doit pas être très content entre nous, en lui disant un dicton, malheureux au jeu, heureux en amour. I'm not sure if we say this in English. So we could say bad luck at the game, but good luck with women. It rhymes in French. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on a ce dicton. Je vais t'en donner un autre exemple de dicton. En français, on dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Eh bien, en anglais, ça serait « In April, don't take off a thread, don't take off a stitch ». Oui. Et qu'est-ce que cela veut dire? Au mois d'avril... il ne faut pas enlever ses vêtements trop rapidement et mmh. croire que c'est déjà l'été. Ah, ok. Parce que le temps peut changer. Oui. En avril. Tout à fait. Et pour revenir au dicton qu'elle lui a dit, Danny lui répond, j'espère pour toi que le contraire n'est pas vrai, mmh. sinon tu as du souci à te faire. Et le contraire serait quoi? Et donc le contraire serait heureux au jeu, malheureux en amour. Ok, happy at poker, unlucky in love. Ouais. Ok. Comme quoi, il n'est pas très content, le Danny. Et on ne sait pas si peut-être Géraldine était là avec Momo. Peut-être qu'ils avaient un plan depuis le début. Oh, qui sait. Tu sais, au poker, tous les coups sont permis, JP. Oui, oui, oui. Bon, allez, on réécoute ce dialogue et on revient sur les termes du poker ensuite. Ah, ça fait du bien une soirée entre mecs. J'amène les binous avant de commencer la partie. Pendant ce temps, tu distribues les cartes, Max. Ok, on joue enfermé. Je propose qu'on commence par mettre 20 euros chacun dans le pot. C'est bon pour moi. Allez, c'est à toi d'ouvrir, Dédé. Qu'est-ce que tu fais? Je me couche. À ton tour, Momo. Oh non, c'est Géraldine. Si je lui ouvre pas, elle va te tirer la tronche toute la semaine. C'est pas grave, les gars. Ignorez-la, faites comme si elle n'était pas là. Salut les mecs, j'ai apporté de la limonade et des biscuits diététiques. Qui en veut? Je passe, j'ai un jeu pourri. N'essaie pas de bluffer, Momo. On connaît ta tactique. Moi, je me couche aussi. Danny? J'ouvre les fenêtres, c'est insupportable toute cette fumée. Franchement, les gars, je vais vous demander de fumer vos prochaines cigarettes dehors. L'atmosphère est irrespirable. Je peux venir jouer avec vous? Je relance de 10 euros, Momo. Je suis... Avec ton brûlant d'as, tu as raison de suivre. Tu vas les plumer. C'est quoi ce clin d'œil? N'essayez pas de tricher. Mettons les cartes sur table. J'ai un full de dames, je remporte la mise. On t'a bien eu. Il avait un carré d'as. Mais ce n'est pas grave, Dani. Tu connais le dicton? Malheureux au jeu, heureux en amour. Oui, mais j'espère pour toi que le contraire n'est pas vrai. Sinon, tu as du souci à te faire. Voilà, donc pour tous nos amis ici qui aiment jouer au poker... Moi, je suis pas très poker, mais... Ouais, tu as des amis qui aiment vraiment beaucoup? Oui, tout à fait. Moi, moyennement, je n'arrive pas à bluffer, en fait. Non? Non. T'es trop honnête. Voilà, j'ai envie de dire, bon, j'ai ça. Mais bon, j'ai ici la liste des combinaisons de cartes possibles. Ok. Donc, en français, la combinaison la plus faible, c'est la paire. Ok, the pair, a pair. Okay. Ensuite, on a la double paire. Ok, two pairs. Ensuite, le brelan. Three of a kind. Oui. La combinaison suivante, c'est la suite. La suite. So this is a straight. Exactement, quand on a cinq cartes qui se suivent. Mm-hmm. Ensuite, on a la couleur. Ok, this is a flush. Oui, quand on a cinq cartes de la même couleur. Ensuite, le full. Comme on a vu dans le dialogue. Okay, the full house. Oui. Encore au-dessus, le carré. Okay, this is four of a kind, le carré. Tout à fait. Alors, on arrive vers les deux plus fortes. C'est la suite à la couleur. Okay, so this is a straight flush. Et la dernière, c'est la suite à la couleur à l'as. So this is a royal flush because it goes all the way to the ace. So oui. Obviously you have all the face cards. Oui. Mais bon, quand je me suis renseigné auprès d'un ami pour cette leçon, il m'a dit que cette dernière, la suite à la couleur à l'as... Mais ça passe jamais. Ça n'arrive jamais. C'est très rare. Oui, oui, tout à fait. Donc j'espère pour vous que vous aurez l'occasion de l'utiliser. Mm-hmm. Parce que normalement, vous aurez un très bon jeu à ce moment-là. Oui, mais heureux au jeu, malheureux en a mort. Tout à fait, JP. C'est ça le mot de la fin, en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si vous avez une passion, un jeu favori, on pourrait peut-être explorer ça ensemble. Donc on se retrouve sur la page de discussion et on attend vos commentaires. Merci beaucoup Jean-Patrick. Merci à toi. À bientôt. À la prochaine.